Radio Plus Productions présente Salut à toutes et à tous, on va se marrer. Ouais. Alors on va se marrer comme chaque semaine avec les permanents de l'équipe. Il a deux spécialités, c'est le foirage des blagues et le jeu de la photo mystère. Oh. Maurice, bonsoir à tous. Salut Maurice. Salut. Cette semaine, vous allez l'entendre dans l'émission car il va raconter des vraies blagues. C'est pas sûr. Bob du club. C'est pas sûr du tout. Salut les filles. Il est actuellement en spectacle à Paris. Oui. Ah bon, Davy, tu fais un spectacle à Paris? Non, ne me dis pas que c'est annulé. Ah non, c'est à Paris, dans le 19e, au Comic Hall, le vendredi soir. Et bientôt dans la pièce, et pas bientôt d'ailleurs, dans la pièce aussi, les emmerdes sonnent toujours deux fois au Café d'Edgar. Ouais. Au théâtre d'Edgar, pardon. Oh, bah, tu gagnes un pognon fou, dis donc. Oh, je gagne à être connu pour l'instant. Frédéric Koster. Ouais. Être devenu maigre, tu vas devenir riche. L'émission... Par contre, toi, après devenu con, t'es resté con. Hein. L'émission sera réalisée par Davy. Oh, comme bravo, c'est bien. Bravo. Et on s'excuse à l'avance, animé par Philippe Bello. Ah non, ça va être donc très bien. Alors, cher Frédéric, comme chaque semaine, tu as une invitée à nous présenter. Alors, cette semaine, c'est un petit peu particulier, mon cher Philippe. Ah, pourquoi ? Car la personne qui vient nous voir ne vient pas pour nous présenter un one-woman show. Ah ? Mais un eight-women show. One. Ça, ça va pas être simple pour Maurice. Elle va nous expliquer pourquoi. C'est Odile. Ah ! Bonsoir, Odile. Bonsoir. Bon, alors, Odile, déjà, tout de suite, pour que les auditeurs comprennent les mauvaises blagues que va faire Bob tout au long de la soirée, on leur dit tout de suite, tu es blonde. Ouais, oui. Non, faut leur dire, parce que sinon, les gens vont pas comprendre, parce que Bob, tu sais. Ah oui, mais oui. Philippe, recommandation importante à faire. Oui. Que je fais à chaque fois à nos invités féminines. Oui. Enfin, oui. Pour les réconforter, les rassurer plutôt. Oui. T'inquiète pas, en face de toi, t'en as un que ça intéresse pas et l'autre qui peut plus. Donc, tu ne risques rien. Donc, bienvenue dans l'émission, enfin, Odile. Merci de votre accueil. Mais Bob, ouais, calme-toi. Oh là là. Oh merde, tu vas nous le réveiller. On me le dit souvent, hein. Me dit souvent sur scène. C'est ma robe de scène, en mais fait. Mais tu provoques, en fait. Tu provoques, t'es décolleté aussi. Ben oui, c'est fait exprès. Tu vas, tu vas nous le réveiller, Papy Viagra, en face. Oui. J'ai la langue qui tombe par terre. Le problème, c'est qu'il bave, là, même. J'ai un truc qui tombe par terre et l'autre qui tape sous la table. Oh, bah oui. Ah, c'est le genou, Bob. Heureusement qu'il y a des Ah, c'est mon genou. Donc, Odile vient nous voir à l'occasion de son spectacle qui s'intitule... Copine et descendance. Non, non, Maurice, c'est à Maurice de faire la pub. Bah oui, non, mais il est lent. Alors, Maurice, alors on va le refaire comme ça, ça au montage, il passera par ridicule. Alors... Non, je ferai un repiquage avant l'apéro. Alors, Odile vient nous voir à l'occasion de son spectacle... Copine et descendance. Promo, Maurice. Eh ben, si vous voulez voir Copine et descendance et voir Odile en même temps, faut venir au théâtre Le Bout, 6 rue Frochot, dans le 9e arrondissement. Métro. Pigalle. Pigalle, bien sûr. Et voilà, et voilà. Pour toutes les dates, vous pouvez aller voir par exemple sur lebout.fr. Par exemple. Voilà, pour connaître les dates. Ou sur lefoudurire.com. Lefoudurire.com. Alors, Maurice, la particularité du spectacle d'Odile, c'est que c'est un... C'est marqué de l'autre côté. Un one man show. Oh, c'est pas mal, quand même. Il fait des progrès. Mais alors, je vous le dirai qu'une seule fois. Alors, on imagine que si c'est un eight woman show, ça veut dire qu'il y a 8 femmes sur scène et ces 8 femmes, c'est toi. Voilà, c'est exactement. Ça, on avait compris. Hein. C'est 8 blondes. Non, il y a des brunes, il y a des rousses, il y a des petites, il y a des grosses, il y a des laides, il y a des moches, il y en a des super intelligentes. Oui, il y a c'est de tout. C'est tout un peuple, quoi. Oui, oui. Et alors, est-ce que c'est toutes tes copines qui t'inspirent ? C'est toutes mes copines, mes vraies copines, mes vraies vieilles copines. Oui. Voilà, c'est l'histoire d'une amitié. Il y en a avec. Voilà. Avec. Voilà. Et donc, t'es fâchée maintenant, alors ? Non, pas du tout. Ah, bon. Et donc, on alors... assume tout ce qui s'est passé, ce qui se dit dans le spectacle. Donc, si je comprends bien, t'as une copine qui aime le cannabis bio. Exactement. Non, je m'y suis mise. Pareil, par la force des choses. C'est Corinne. Voilà. On voit Sylvie, voilà. Corinne, Nelly, Patou, Daniel, Liliane. Il en manque deux. Il manque Nathalie et il manque Daniel. Et Nathalie. Voilà. Voilà. Donc, alors les copines qui t'inspirent, le spectacle, j'imagine, change aussi un petit peu de temps en temps. Tu rajoutes des choses en fonction d'une expérience. Il évolue. Alors, il ne change pas en fonction d'une expérience. Là, les huit sketchs, si je peux dire, sont bien là, les huit idées, les huit situations. Mais par contre, il y a des petites anecdotes qui se rajoutent un petit peu, qui resserrent un peu le spectacle au fur et à mesure et sur lesquelles j'insiste un peu plus. Oui, il prend du poil au fur et à mesure. Mais alors, voilà, exactement. Il évolue. Oui. Voilà. Exactement. Mais alors tes copines là, est-ce que en fait c'est que tes copines, c'est que les femmes qui en prennent plein la tête? Elles ou... en prennent pas, personne. C'est au contraire, tu les contraire. Au contraire, je les défends. Je parle de tous ces problèmes de la préquincarité parce que je suis une préquinca qui l'assume. Et d'ailleurs j'ai une de mes copines qui va fêter sa quincarité dans peu de temps. Ce mois-ci. Et donc, je parle des problèmes. On s'est toutes retrouvées dans des situations parfois inextricables. Je ne pose pas de jugement. Je dis voilà comment ça s'est passé. Et voilà, c'est tout. Alors, je ne suis pas trop dans le vannage ou dans la méchanceté gratuite. Je n'aime pas ça. Ce n'est pas du stand-up. Quoi. Voilà, ce n'est pas du stand-up. Alors que Bob, toi, tu dis que tu es une pré-quinca. Alors que Bob, lui, est un post-sexta, et on parle bien de l'âge. Oui, oui. Moi, je croyais que tu allais dire que c'était un post-caca. Parce que... Non, je suis d'accord qu'il en tient une couche, mais quand même. Alors, tu vas voir que dans cette émission, on va bien sûr avoir des extraits du spectacle. Tu vas voir dans cette émission, il y a un peu de tout. Hein. C'est une émission de variété. Il y a des jeux. Ah oui, c'est Guilux qui présente. Il y a des jeux, il y a des tournées de blagues. On a aussi un flash très spécial. Enfin, il y en a deux dans la soirée. Que Frédéric nous fera l'amitié de nous présenter. Il y a des épreuves. Ben justement, cette émission est une épreuve. Et la première épreuve, c'est le baptême de l'équipe adverse. Car oui, comme chaque semaine, je le rappelle, vous formez deux équipes. C'est de pire en pire, on dirait Alain Decaux. Hein. Car deux oui, équipes, mes amis, vous formez deux équipes. Et alors donc oui, la première épreuve, c'est le baptême de l'équipe adverse. Puisque vous formez deux équipes, donc il y a l'équipe de Bob et Maurice. Et votre équipe. Donc, il faut un petit nom pour que les auditeurs puissent suivre au fur et à mesure ce qui se passe. Alors, Odile, il faut que tu donnes un nom à l'équipe d'en face. Allez, les Schtroumpfs. Ah oui, c'est bien. C'est gentil. Voilà. C'est gentil. Ça, alors, ça, c'est gentil, oui. Il y a le Schtroumpf grognon et le Schtroumpf coquet à côté. Non, les blondasses. Eh ben voilà. Mais c'est pas grave. Non, mais je l'ai vu venir à 10 kilomètres. C'est simple. Oui. C'était obligé. Il n'a plus aucune imagination. Pauvre. Sa femme nous le disait, il n'a plus de jus. Pauvre Bob. Donc voici pour la première question l'équipe des blondasses face à l'équipe des Schtroumpfs. Alors, le premier qui a la réponse, là, hurle pour avoir le point. Hein. Alors, cette question, une question d'histoire. Bob est très fort en histoire. C'est pas vrai. Il fait toujours beaucoup d'histoire. Cas de particulier, la route qui s'appelle la Via Appia. Ah bah, la Via Appia, c'est la voie de Jules César. Oui, mais encore. Elle traverse l'Italie au Forum. Elle traverse la Gaule. Elle traverse la Gaule. La traverse, non, elle traverse la Gaule. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien qu'à traverser la Seine. tu lui as tendu une perche. La Via Appia, c'est la voie qui traverse tout Rome. Enfin, le pays. Oui, mais encore, il y en a d'autres, des routes romaines qui traversent le pays. Celle-ci a quelque chose. Oui, celle-là, elle est toujours pavée. Donc, c'est la... La plus vieille route qui est sans changement, sans modification. Mais ce que je veux entendre, c'est que c'est la mieux... Ah, la mieux conservée. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Bravo, Bob du club. Alors là... Donc, dans l'émission, nous avons donc Maurice ici présent qui reçoit des blagues d'auditeurs dans sa boîte email. Alors, ma boîte, c'est zéro. C'est zéro. C'est pour ça. Il allait donner son portable, cet imbécile. C'est zéro. Marc, on pourrait faire ça carrément. On pourrait donner son portable. C'est pas bête, ça. Alors, attends, je recherche dans mon répertoire. Arrête. Mais comment veux-tu recevoir des blagues dans ta boîte email si tu la donnes pas? C'est radio.ovsm@gmail.com. Bon. Alors, qui t'a envoyé une petite blague? Alors, c'est 06. Arrête. Alors là, c'est Jean-Paul de Saint-Malo. À votre avis, la bite est un os ou un muscle? C'est pas moi. Chez toi, c'est un mollusque. Oh, un os parce que vous avez toujours une chienne derrière. Oh non! c'est grave. Oh là là. Mais comment tu peux les raconter? Ben, c'est les auditeurs. C'est les auditeurs, c'est pas moi. Oui, bien sûr. Donc, Odile, il va falloir faire mieux que Maurice. Juste après cette pause, c'est la première tournée de blagues qu'attendent les auditeurs. Reste avec nous, on revient avec Odile. Ah, au mois de janvier, au mois de décembre, c'est l'anniversaire de ma fille. Retour, on va se marrer. Et on souhaite un bel anniversaire à la fille de Bob, hein, oui. Par avance, puisque au moment de la reprise d'antenne, Bob, on te rappelle que la lumière rouge, ça veut pas dire que les pompiers arrivent. Ah. Ça veut dire qu'on est à l'antenne. Ah, non, pardon. Excuse-moi de te contredire, oui. Philippe, ça veut dire que t'as attrapé un coup de soleil. Alors, on est en compagnie d'Odile, qui vient nous voir pour un très bon spectacle, Maurice. Oui, un très bon spectacle. Non, vous n'allez pas me le faire dire à chaque fois, non? Bah, attends. Par cœur même. Oui. Ah, c'est copain. Non, c'est copine et descendance. Je recommence. Tu renvoies. Alors, je renvoie. Alors, Maurice, la promo du spectacle. D'Odile, c'est copine et descendance. Bodile. Non, c'est Odile. Le trouble pas non plus. Le public, c'est généralement des femmes, des hommes, c'est mixte. Il y a beaucoup de femmes qui viennent, mais quand les hommes viennent, ils sont ravis. Ah. Parce que justement, ils s'en prennent pas plein leur gueule. Et en plus de ça, ils comprennent des choses, des subtilités. Oui, c'est ça, bah oui. Moi, je trouve que les hommes, on en a besoin et je ne les dénigre pas du tout. Alors, mais il y en a qui font des choses quand même qui sont pas normales. Mais voilà, il faut le dire aussi. C'est vrai. Mais il y a aussi des femmes qui font pas. Alors, ça t'est venu comment, cette idée de spectacle? Oula, vous voulez vraiment le savoir? Oui. Ah oui. Ah bah oui, hein. Oui, oui, oui. Eh ben, surtout si c'est pas racontable. Et oui, évidemment. Un jour, j'ai fêté mon anniversaire avec toutes mes copines, mais que des copines. Mmh. Que des filles. Okay. Que des filles. Donc, on était 21 à la maison. Quand même. Et ça a été quand même une soirée d'enfer, quoi. Voilà. Ça a été assez particulier de les entendre toutes parler. Enfin, c'était un moment magique et je me suis dit, ben ça, il faut qu'un jour je le retranscrive et que j'en fasse quelque chose. Et voilà, donc j'ai écrit ce spectacle. Et en plus, dans ce groupe de copines, il y avait les piliers, quoi. Ah oui. Celles qui sont de... Les vieilles copines, les ce qu'on appelle. Les vieilles copines de la 5e A, de mes cours d'éducation sexuelle en 5e A. Ensemble, elles racontent l'histoire de leurs ex et leur accouchement, généralement, non? Non, pas seulement. T'es pas un peu misogyne, des fois? Non, misogyne, tous les hommes sont misogynes. Hein. Ah. Même les tapettes, il paraît. C'est un ministre qui a dit ça, on va pas le dénoncer. Enfin, faut pas croire, on parle de nos amants, parce qu'il y en a qui en ont, de nos ruptures, de nos divorces, recherches, de nos coups, enfin voilà, des enfants, des belles-mères. Ah oui, voilà. Tu sais, Odile, il y a certaines femmes qui sont obligées d'avoir des amants. Mais peu importe la raison. Oui, tout à fait. Voilà. Non, mais c'est un vilain. C'est un vilain manière, personnage. S'il y a des amants, c'est qu'il y a des hommes qui sont disponibles. Hein. C'est pas faux. Hein. Aussi, il y a des femmes qui... Tu as un Facebook? Oui, j'ai un Facebook. Ah. Odile Andropierard. Voilà. Ah. Alors là, Bob, note-le. Et je viens de passer la barre des 1000 amis aujourd'hui. Des 1000 amis? Amis, yes. Ah ouais, il est dedans. C'est pas encore assez pour le Stade de France, mais... Mais tu sais que Bob, lui, a plein d'amis. Oui, qui attendent qu'il fasse son Facebook. Qui attendent qu'il fasse son profil. Tu vois, tu pourrais être ami Facebook avec Odile. Ah là là, je serais vachement fière en plus. Ah, Bob, alors là. Je serais très touchée. Ah, alors là. Ah bah, c'est la seule manière que tu pourrais être touchée par Bob. Ça, t'en sers. C'est rien. Des malades. Alors là. Hein. Bon, eh bien, pour calmer le jeu, je propose d'entamer la première tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. La blague de Maurice. Il me fait peur à chaque fois. Deux serpents se rencontrent. Quelle heure est-il? Non, elle est bonne. Elle est courte, mais elle est bonne. Alors, c'est un Italien dans une salle d'attente de maternité. Excuse-moi, Davy n'a pas compris la blague. Le réalisateur n'a pas compris la blague. Oui. Maurice, est-ce que tu peux la refaire? Oui, mais lentement, au ralenti. Ces deux serpents se rencontrent deux points. Quelle heure rêve-t-il? Voilà. Elle est toujours aussi conne. Merci de me... Alors, donc, c'est un Italien Bob qui est dans la salle d'attente d'une maternité, puisque vous voulez que je raconte des histoires. S'il vous plaît. Oui. Le médecin sort, il lui dit « Félicitations, vous avez des quintuplés. Oh ouais, vous comprenez, j'ai une sorte de canon. Et le docteur lui dit « Oui, mais alors, vous êtes d'accord pour ça, mais il faudrait peut-être le nettoyer, votre canon, parce que c'est, ils sont tous noirs. » Encourage-le, sinon il fait les définitions. Ah bah j'en fais une dans le même style, tiens. C'est deux gars qui discutent. Il y en a un qui dit « Ah bah, moi, niveau sexe, en ce moment, c'est pas trop ça. Tu sais, avec ma femme F, c'est limite. » Ouais. Bah écoute, moi je vais te dire un truc, pour continuer à avoir un peu de piquant et de machin. J'ai gardé mon pistolet, parce qu'on était flics avant, tu sais, on travaillait à la brigade de Lyon. Elles sont stupéfiantes, tes histoires. J'ai gardé mon pistolet, alors dès que ma femme sentait des faiblesses, je pressais sur la détente, pouf! Et là, voilà, ça prenait une autre dimension, pouf, elle en pouvait plus, et clac, pouf! Ah, bah, t'as raison, attends, je vais essayer, je crois que j'ai gardé mon flingue aussi. Le lendemain, il se revoit. Alors, t'as essayé le coup du flingue? Oh, dis donc, on parle pas. Écoute, on était en train d'essayer de se faire un petit 69. Alors, pour pimenter les choses, pouf, j'ai envoyé un coup. Ah bon, et alors? Bah, et alors? Elle a failli m'arracher la bite. Elle m'a chié dans la gueule. Oh, il y a un type qui est sorti de l'armoire les mains en l'air. J'espère que t'as honte. Je me demande si je préfère pas les définitions de Bob. Bon, écoutez, moi, je vais vous en faire une. Alors, on va contrebalancer ça. Je vais vous en faire une très poétique. Est-ce que vous voulez une histoire très poétique? Oui. Écoute bien, Odile. On aimerait bien. Oui. Bob, comment caresser une femme dans 17 départements à la fois? À la fois. Il faut d'abord trouver une femme dans la Moselle. S'assurer qu'elle est saine, gironde et bien en chair. Lorsque l'on sent son heure venue, on commence par lui caresser le Haut-Rhin, puis on descend vers le Bas-Rhin. On contourne alors l'Aisne pour entrer dans la Creuse. Là, on trouve quelque chose de bien doux. Sans perdre le Nord, on attend que ça vienne. Et si on ne se débrouille pas comme un manche, on peut y rester jusqu'à l'aube. En somme, il ne s'agit pas de Calais pour être un héros. Voilà. Oh, oh là là là là. Hein, c'est pas de la poésie, ça. Allez. Alors, Odile, c'est à toi. Bon, alors moi, c'est une femme dit à son amie, crois-moi, ma chérie, il faut vraiment toujours avoir trois hommes dans sa vie. Un de 20 pour le choc, un de 40 pour le chic et un de 60 pour le shake. On sent la femme d'expérience. Exactement. Alors moi je te propose, Odile, une petite roulette russe. Alors la roulette russe, c'est assez simple. Maurice, ici présent, a donc des blagues préhistoriques. Et chaque semaine, on demande à l'invité de choisir au hasard, avec des mots qui correspondent à ces blagues, de choisir une des blagues. Donc je te donne des mots, tu dis stop quand tu veux, et alors là, automatiquement, Maurice raconte une de ses blagues sans aucune note. Oui. Attention au jingle roulette russe. Poussin, skieur juif, vache, ostréiculteur, araignée, souris, roue de secours. Ah, top. Ma chère Odile, bravo. Parce qu'ils vont me reprendre sinon. Ma chère Odile... Non, là, tu vois, c'est la blonde qui... Arrête, merde! Ah, il a plus son souvenir! Oh, bah, quand même! Si. Non, cet homme est capable de tout. Alors, c'est... Ma chère Odile, c'est Poil de Carotte qui est dans un sidecar. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Un roue de secours! Voilà. Refais-la correctement. Ma chère Odile. Tu l'as pas bien fait. Non. Et ma main dans ta gueule. Non, alors je t'ai dit, celle-là, elle est déposée. C'est qu'est-ce que Poil de Carotte, voilà. Ma chère Odile. Oh là, la barbe. C'est le cas de l'arrêt. Poil de Carotte. Bon. Qu'est-ce que Poil de Carotte dans un sidecar? Un roue de secours. Celle-là. Mais quand il veut, il peut, tu sais, c'est ça aussi. Hein. Mais bon, allez. Rassure-moi, Philippe, il n'est pas payé pour tu faire ça. Tu vas bientôt pouvoir faire le hold-up. Double. Hein. Le double. C'est pas vrai, le double de quoi? De zéro. Bon, moi, j'aimerais bien avoir des nouvelles de Patou, une de tes copines hein, du spectacle, juste après cette pause. C'est possible ou pas? Tout à fait. On l'appelle alors? Oui, elle va venir. Bon, allez, on revient après la pause avec Odile et sa copine Patou. Oui. Retourne, on va se marrer avec Odile. Odile et ses 7 copines donc sur scène avec ce spectacle Copines et Descendance. Alors il y a une des copines qui est là, c'est Patou. Oui, bonsoir. Alors Patou, qu'est-ce qui vous arrive? Bien écoutez, moi en tous les cas, ce que je voulais dire, depuis que je suis une prépubère de la ménopause, eh bien j'ai le corps, c'est chef-d'œuvre en péril. Non mais c'est vrai parce que maintenant quand je vais m'acheter un soutien-gorge, eh ben j'ai du mal à répondre à la question dans quelle taille. Non mais c'est vrai parce que quand je suis en avant, maintenant c'est un grand C ou un petit D, ça dépend comment ça cherche. Quand je suis debout, 95B. Et allongé sur le dos, ça fait petit A. Non, mais attendez la lettre. Hein. Oh. Enfin, bon. Mon mari, en tous les cas, il appelle ça ses 2 étoiles de mer échouées sur le sable. C'est mignon. C'est mignon. Ouais. Non, mais parce que moi, j'ai ma voisine, elle a le même âge que moi, c'est dingue. Ah, quand elle est penchée en avant, ses seins, ils sont devenus tellement élastiques qu'ils passent carrément du B au G. Hein. Ah ouais, mais quand il apprend en levrette, elle a les seins qui râpent les draps. Hein. Okay. En soi, c'est pas si mal. Hein. Voilà. Vous voulez que j'en dise un peu plus sur ma vie? Bon. Ah bah, s'il vous plaît, Patou. Non, parce que, en fait, moi, quand même, j'ai de la chance, parce que j'ai chez moi, ce sont les points, en fait. Des points? Les points, oui. Oui, j'étais en 4G, moi. Enfin, j'en parle pas. Ma libido, elle a disparu maintenant. D'ailleurs, je suis allée signaler la disparition inquiétante chez les flics, parce que ma libido. Enfin, ils m'ont dit que c'était une fugue, qu'elle allait revenir. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais il y a des jours où ça revient. Hein. Ah ouais? Ouais, ouais. Enfin, ouais. Enfin, et puis d'ailleurs, quand ça revient, c'est Fukushima. Hein. Ah ouais, j'ai tous les réacteurs en fusion. C'est... Ah bah du coup... Ouais. Ouais, mais ça... Il faut que je me prépare du coup pour le grand soir, parce que... Ouais, ça fait longtemps, donc en général, je me fais un ravalement de façade et puis une épilation. ouais, parce que quand même, maintenant, quand même, je vais vous le dire, à chaque poussée de libido, en général, j'ai une poussée de poils. Ouais. Et puis voilà, quoi. Enfin, en tous les cas... avec la préménopause, j'ai plus besoin de forfait au spa avec les sueurs nocturnes et les bouffées de chaleur. Bravo. Allez, monsieur. Hein. Amame la nuit et sauna le jour. Hein. Et ouais. C'est comme ça, la vie. Non, mais c'est dingue parce que moi, la nuit, j'ai le cheveu qui est humide. Ah. Marc, toi, ça risque pas de t'arriver. Non plus. Ouais. Puis mon matelas, c'est devenu un waterbed. Hein. Ah oui. Mais par contre, j'ai noyé tous les acariens. Il y a au moins un avantage. Bah oui, quand même. Ouais. Hein. Puis bon, la bouffée de chaleur, en général, je deviens toute rouge. Voilà. Ah oui. Ouais, ouais. Et je boue aussi. Ouais, ouais, non, mais c'est dingue. Ouais, ouais, je boue un peu comme un volcan prêt à exploser, ouais. Je sais pas si vous rappeliez les Jafioles. Le volcan islandais. Bob, calme-toi. On est en train de perdre. Il y a la fumée en moi. Hein. Enfin bon. Bon, on arrête. Hein. Non, mais Odile, commence pas à ouvrir ta robe comme ça parce qu'on va le perdre, Pépé. En fait. Ouais, alors, malheureusement, vous n'avez pas l'image, vous qui nous écoutez, donc il va falloir aller voir le spectacle d'Odile. Ah oui. Donc, au théâtre Le Bou, 6 rue Frochot dans le 9e arrondissement à Paris. Et pour les réservations, c'est le 01 42 85 11 88. Je me demande si je suis pas en train de faire comme toi. Moi, j'ai une bouffée de chaleur. C'est la ménopause. C'est possible. Bon, alors, Odile, une nouvelle épreuve. C'est l'épreuve de TEPACA. Ah. TEPACA. Voilà, TEPACA. En fait, c'est une épreuve très simple. Je vous demande, donc une épreuve d'enchères. Je vous demande, et je vais vous demander à vous, puisque c'est l'équipe qui est menée, je vais vous demander combien de comédiens du Père Noël est une ordure, êtes-vous capable de me citer? Alors, vous pouvez me dire deux, et puis on verra s'ils peuvent, mais trois, etc., etc. Deux. On commence à deux. Oui, deux. Deux. Trois. Quatre. Ah. Quatre comédiens pour les Blondasses. Est-ce que les Schtroumpfs peuvent me citer plus de quatre comédiens qui jouaient dans Le Père Noël est une ordure? Dans la pièce, non, mixe le film. Pièce et le film. Ah, le film. Dans le film. Je les ai tous, hein, donc vous pouvez pas me gruger avec un petit rôle. On en est à je quatre. Je peux répondre? Attends, pour l'instant. Il faut hurler quand on a la réponse. On va voir s'ils sont capables de dire plus que quatre. Non. Vous avez pas plus de quatre comédiens du Père Noël est une ordure? Non, parce qu'ils vont se tromper, c'est pas possible. Bah justement, qui se trompe, ça nous fera les points. Non, Bob, tu peux pas, vous en avez au moins cinq. Non. Tu veux que je dise cinq? Bah attends. Bon, bah je vais dire cinq, mais c'est pour te faire plaisir, hein. Ouais, et tu les trouveras, les cinq, hein. On dirait les vampes. Six. Vas-y, hein. Mais tu te démerdes, hein. Alors là, Allez, six. Est-ce que vous faites mieux? Non, je connais pas celui qui habite au-dessus, là. C'est ça le problème. Je l'ai pas, celui-là. Donc, votre engagement, c'est six comédiens qui jouent dans le film Le Père Noël est une ordure. Odile, on t'écoute. Alors, attends, parce qu'on va commencer par celui que dit Bob, c'est Bruno Moineau. Voilà. Ah. Un. Donc, Marianne Chazelle. Deux. Thierry Lhermitte. Trois. Martin Lamotte. Quatre. Josiane Balasco. Oui. Anémone. Ah bah voilà. Six. T'en avais d'autres? Non, cinq. Si, ah, cinq si, et six, six avec Moineau. Six avec Moineau. Voilà. Il y a Jacques François. Oui. Ah, dans le film? Oui. Et le Père Noël? Gérard Jugnot. Elle l'a dit, on l'a pas dit. Non, vous l'avez pas dit. Non, je l'ai pas dit. Et Katia? Christian Clavier, bien sûr. Ah oui, Christian Clavier. Pratiquement. Ah oui, ils sont vite. Et il y a la, l'obsédé au téléphone. C'est Michel Blanc. Voilà. Oui. Dans les clous, après, les autres sont pas très connus, donc. Et la cabine téléphonique, c'était. C'est Michel Blanc. C'est Blanc. Mais qui d'autre comme personnage? Après, il y avait Claire Magnien, Jean-Pierre Clamy, Jeannette Batty, la femme de. Vous avez le même plutôt que moi. Ah oui, d'accord. Henri Jeunesse qui est décédé. Suzanne Berthois, Bim Suaré, Michel Bonnet, Josy Lafont, François. Ah, Michel Bonnet, oui. Et Gérard Thirion, voilà, vous avez la question. C'est Michel Bonnet qui est dans la cabine téléphonique. Qui se suicide, appuyé sur le bouton. Mais non, il y a aussi Bonnet. Michel Blanc. Michel Blanc, c'est la voix de l'obsédé. Michel Blanc, c'est l'obsédé au téléphone. Je t'encule, Thérèse, et tout ça. Ah, oui, d'accord. Donc, oui, c'est, oui. Vous avez donc répondu aussi, ça, donc on leur donne le point. Et alors, est-ce que tu veux, Philippe, que je te raconte une anecdote qui n'a aucun intérêt pour les auditeurs ni pour vous? Mais le nom de mon chat. Parce que j'ai un chat. Le nom de mon chat vient du Père Noël est une ordure. Ah ouais. Parce qu'à un moment, il y a Gérard Jugnot qui court après ses lapins et qui dit « Va pas par là, Pinouille, c'est le périph !» Mais le nom de ton chat, c'est celui que t'as mangé? Mon chat s'appelle Pinouille. Ah, à cause de ça. Voilà, exactement. Mais parce qu'il faut savoir qu'il mange son chat. Et toi, ton chien, c'était à cause de notre toi, film. Par contre, ça fait longtemps que t'as pas mangé une chatte. Oh. Je t'autorise à la couper, celle-là. Alors, si vous voulez que je vous raconte une histoire sur mon chien, je peux. Là, mon chien, c'est un Yorkshire. On l'a appelé Grizzly pour qu'il fasse peur. Mais comme il est noir et qu'il commence à avoir le dos argenté, on va bientôt l'appeler King Kong. Mais c'est pas celui-là auquel je pensais, moi. Ah, Mowgli. Ah, on l'a perdu, Mowgli. On l'a mangé au petit déjeuner le lendemain. Oui. Non, j'aime pas les blagues comme ça sur les animaux. Bon, alors dans quelques secondes, nous allons devoir faire face à l'actualité, car l'actualité est brûlante, tout comme le spectacle d'Odile. Restez avec nous, on revient juste après ça, et toujours avec Odile. Retour, on va se marrer. Avec Odile. Alors... Odile, est-ce que tu t'intéresses à l'actualité? Ah oui, beaucoup. Ah, eh ben alors tu vas pouvoir commenter l'actualité de la semaine, car voici un flash très spécial. Flash très spécial. Eh ben, ça promet. Michel Néret, directeur adjoint de la police judiciaire de Lyon, a été mis en examen et écroué dans une affaire de corruption présumée. Il aurait monnayé des renseignements d'indics avec de la drogue. Jean-Luc Delarue, vous vous sentez concerné ? Bonsoir. Alors, pas du tout. D'ailleurs, je ne connais pas Michel Néret. Je vous ferai remarquer que je ne sniffe plus depuis plusieurs mois. Bonsoir. Et que je vais très bien. Hein. D'ailleurs, ma nouvelle émission cartonne. Je trouve des familles qui s'engueulent et ils viennent se réconcilier sur mon plateau. Hein. Je remets tout le monde sur les rails. Bonsoir. Selon l'Express, Valérie Trittweiler. Oh là là là là là là là. Trierweiler. Ah. Journaliste et compagne de François Hollande. Oui, c'est vrai. Aurait fait l'objet d'une enquête des anciens RG. Alors, monsieur Hollande, ça vous choque, j'imagine. Alors, je vais vous dire, Philippe, Alors, vous, RG, vous parlez de l'auteur de Tintin, hein? c'était pour Delarue. Ah oui, c'était pour Delarue. Coq en stock. Hein? Oh, dis donc, je suis en tête de tous les sondages, enfin, à l'heure où je lis ce texte. Alors, j'ai tous les droits, hein. Alors, bon, vous me dites que les RG auraient enquêté sur ma compagne actuelle. Oui. Hein? Oui, alors, oui. Ils auraient mieux fait d'enquêter sur mon ex-compagne. Ça lui aurait évité de dire deux conneries à la fois. Jean-Louis Borloo a donc annoncé qu'il ne serait pas candidat en 2012. François Bayrou, ça a l'air de vous faire plaisir. Écoutez, Philippe Bello, premièrement, je suis centriste. Vous me le confirmez. Je suis centriste. Bon, j'ai hérité de l'ancien UDF. Vous vous rappelez ce que c'était que l'UDF ? Le parti de notre grand président Valéry Giscard d'Estaing. Un parti d'avenir progressiste, de jeunesse. Bon, ok, du temps de Giscard, c'était plutôt l'inverse. Mais je vous rappelle qu'il y a eu le changement. Et donc, à l'UDF, on a changé. D'abord, maintenant, on s'appelle le Modem. On a changé d'égérie. Avant, c'était Daniel Gilbert. Maintenant, c'est Vincent Lindon. Ça change pas, il bafouille autant. Et depuis que j'ai officiellement déclaré ma candidature, on a aussi changé les portes parce que ma tête ne passe plus dedans. Très bonnes imitations quand même. Hein. Alors pour les lettres de menace et d'insultes, s'il vous plaît, vous envoyez ça à la station et on fera suivre. Rue François 1er, Paris 8e. Les textes sont de Philippe Bello. Applaudissements. Non, dis donc, je vous ai entendu, vous. Mais alors, justement, on parlait de l'actualité. Mais c'est vrai que si tu t'intéresses à l'actualité. Ah oui, j'adore ça. Ah oui. Oui. Mais et ça t'inspire pas pour tes spectacles, Parce que c'est pas pour l'instant l'orientation que j'ai donnée à mes spectacles, mais. Il arrivera certainement un moment où je parlerai des choses que je parce vois que qui m'agacent. On fait réveillon ce soir. Les cons, ça croit. Ah oui, alors j'ai tout. Effectivement, je manque à tous mes devoirs puisque il faut une deuxième petite roulette russe puisque Maurice est en forme et qu'il a voulu se faire repérer. Tant pis pour lui. Alors je te redonne des noms et alors tu dis stop quand tu veux, bien entendu. Comme tout à l'heure, Maurice, sans aucune note, mets ta main sur le... nous racontera une blague inédite. Non. Attention, top, roulette russe. Vache, skieur, juif, ostréiculteur, araignée, perchiste, maille à l'abeille, souris. Souris. Ah, souris. Mulot. Alors, la blague des souris. La fabuleuse blague. Alors là, cette blague-là, il la connaît par cœur. Oui. Il l'a faite dans une émission de réveillon pendant une heure. Exactement. La blague. Il a essayé de la faire. Oui, ouais. C'est vrai que l'émission a fini, on ne l'a pas réussi. Mais on a bien ri pendant une heure. Alors, adresse-toi quand même à Odile. Ma chère Odile. Maintenant, c'est ma chère Odile. Ah, oui. Que dit une souris, ou ils sont deux, non? Ah, bah, on ne sait pas. C'est toi qui racontes l'histoire, oui. Maurice. Et qu'est-ce qu'elles disent, alors? C'est ma chère Odile. Oui. Ces deux souris qui se rencontrent. Je sais pas. Il y en a une qui dit. Il est en freestyle, là. Il est en total freestyle. Je la connais pas, moi, celle-là. Qui dit... Ah, c'est, nouveau, c'est une nouvelle blague, celle-là. Je la connais pas. Là. J'ai Internet dans ma ruche. Et pourquoi pourquoi les souris Oh là là. Ah, oui, arrête, parce que... Allez, c'est lui qui souffre. C'est deux souris. Mais non, c'est pas deux souris. On vient de te dire pourquoi les pourquoi, souris... Pourquoi, oui, couper. Alors. Non, coupez pas, continue. Ma chère Odile, pourquoi les souris font ni... Non. Elles font rien. Bah déjà, regarde-moi. Oui. Te laisse pas faire, Odile. Te laisse pas faire. Vas-y, gronde-le, c'est pas Odile. Possible, hein, elles font rien. Je répondrai pas à ta question. Pourquoi? Allez, pourquoi? Ma chère Odile, pourquoi les souris ni Ah. Parce que les rats gna. Oh, oh. Ça, un an après, c'est encore laborieux. Oui. Faudra qu'on répète pour la fin de l'année. Non, elle la refera au réveillon, celle-là. Mais en fin d'émission. Quand on sera parti. Bon, allez, juste après cette courte pause, c'est l'épreuve du trivial. Tu vas voir qu'encore une fois, là, il va falloir marquer des points et que Bob est très bon joueur à ce jeu. Tu parles. Oui. Allez, on revient. Que ça, tu meurs. Avec Odile. En petit. Oui. Retour, on va se marrer. Ouais. Avec Odile. Bravo. Alors Odile, donc une épreuve très importante, c'est l'épreuve du trivial, celle où on marque le plus grand nombre de points dans la soirée. Deux cartes du trivial tirées au hasard dans le boîtier de 1985. Donc, ce que je dis... c'était ma jeunesse, ça. Je fais la blague ou tu peux la faire. Tu la couperas au montage. Non, ouais, on peut la faire. Donc, 1985. Donc Odile, si on te demande de quel pays Moscou est la capitale, tu réponds... De l'URSS. Bravo. Très bien. Bravo. Une carte par équipe. 6 questions sur chaque carte. Oui. But du jeu étant de répondre au plus grand nombre de questions. Simone. Vous répondez à une question, c'est un point de marqué. Allô, Simone. Vous ne savez pas répondre, l'équipe adverse répond à votre place, c'est elle qui marque le point. Guilux, je ne vous entends plus. Si toutefois, attention, c'est important. Si toutefois, vous avez la réponse directe, sans vous concerter, car à ce jeu, vous pouvez vous concerter quand même. Oui, hein. Si vous avez la réponse, vous en êtes sûr, l'un ou l'autre, vous dites... Cache et vous donnez la réponse. Ah. Si c'est la bonne réponse, 2 points. Guilux, on m'a cassé mes lunettes. Il est imperturbable, il y a. Hein. Ouais, c'est bien. Je fais toujours choisir Bob, car sinon il y a contestation en fin d'émission. Il dit que c'était truqué, que la carte avait été choisie par vous avant. Et comme il s'agit de Bob, c'est contestation en deux mots. Bob, tu prends la 1 ou tu prends la 2? Qu'est-ce que t'en penses, Bob? Dans ton micro, Bob. Moi, je prendrais la 1. Je te fais voir la 2, tu prends la 1. Il a dit la 1. Mais ça dépend de quel côté que tu te trouves. Il t'a dit la 1 ou la 2. C'est pas la gauche ou la droite. On te les montre. Alors, la 1 ou la 2? La 2. Ouais, on va prendre la 1 alors. Oh, donc... ils sont pas d'accord. Bon, allez, on prend celle-là alors. Tu viens de les changer? Pas du tout, j'ai pas changé du tout. Et donc, on commence aussi toujours par l'équipe de Bob et Maurice. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes prêts, les Schtroumpfs? Non. Maurice, bien sûr, hein, si bien tu as une réponse cash, tu dis cash. Hein. Cash, oui. Et tu te caches. Attention, top. Quel est le village de France qui a le nom le plus court? A. Hein? Oui, A, oui. Oui, je crois que c'est A. Non. Je crois que c'était A. Ce n'est pas ça. Heureusement que tu n'avais pas dit cash. Pas d'idée? Non, j'ai pas dit cash. Ça aurait rien changé, ça aurait fait 0 point. Non, bah, de toute façon, même si je dis cash, je marche pas le point. C'est ce que je viens de dire. C'est pareil, ça change rien. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est pas A. C'est pas B. B, tu dis toi? Alors B, B-I. Non, c'est Y. Ah, mais oui! L'exclusivisme. Alors. Eh ben, j'étais pas loin? Oui, c'est vrai, ça s'entend. Donc ça fait presque pas de points. Question de cinéma pour Bob. Ah, qui était Mimi Freud? Ah, non, c'est une question de théâtre. Qui était Mimi Freud dans une pièce de Jérôme Savary? Tu connais ça, toi? Ouais. D'accord. Donc, c'est le nom d'une comédienne que je veux, bien sûr. Qui jouait le rôle c'est 1930, de Mimi c'est Freud. Non, Jérôme Savary. Il est encore vivant, Jérôme Savary. Ah, il n'est pas mort. Le trivial est 85, donc c'est une pièce des années 80. Ah oui. Non, on ne sait pas. Au hasard, une comédienne connue? La Magnan? Non. Concertez-vous. Pourquoi non? Une comédienne quand même qui était locomotive au théâtre. Oh! Si, la Bagnon alors. Non. Locomotive au théâtre. Jeu de mots, tu crois qu'il est capable d'en faire un? Le problème, c'est qu'il est Micheline, capable d'en faire un. Oui. Micheline Prel, Micheline. Micheline Dax. Dax. Voilà. Laquelle? Dax. Dax. C'était Micheline Prel. C'était Micheline Prel. Oh, ah, bah je l'ai dit en premier, pourquoi t'as pas dit que c'était bon? Bah parce qu'il a dit Dax. Non, mais elle a dit Prel avant. Oui, c'est vrai, faut que je marque le point. Ah, non. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tu de leur donner des points comme ça. Allez, à toi coucher, hein. Dans quel pays se sont déroulées la plupart des batailles européennes? Ah, je sais. Donc il y a un pays en Europe où la plupart des batailles européennes ont eu lieu. Le Mexique. Moi je pense que c'est en France puisqu'on est on est au bout du bout. Alors quand les oui, en France je veux dire. Tu consultes pas Maurice? Non, mais... on consulte pas. Cash France. Non. C'est pas la France. Mais je dirais la Belgique, moi. Dans le micro. Dans le micro, Odile. Oui, faut non, mais on peut se consulter. D'ailleurs, vous, vous savez qu'ils sont partis pour la Deuxième Guerre mondiale avec des balles à blanc. C'est pour ça que les Allemands ont pu envahir la Belgique. Ouais. Donc on dit la Belgique. Et c'est correct. Eh, oui. Ah ouais. La Waterloo, c'est en Belgique, par exemple. Quelle est la particularité du roman de Frédéric Dard, Réglez-lui son compte? C'est comment, c'est un Saint-Antonio? Oui. La particularité? Non, enfin, c'est pas une particularité puisque Frédéric Dard a écrit tous les Saint-Antonio. Oui. Qu'est-ce qu'il a de spécial celui-là? Alors je vais te dire, Bob, ça va t'aider, je vais donner un indice. Moi je sais. Oui, mais ça énerve Bob. Un ça. Policier, non? C'est fait pour. Oui, non, bah oui, bah, c'est un, les Saint-Antonio, c'est des policiers. Saint-Antonio se marie dans celui-là. Saint-Antonio se marie dans celui-là. Ouais. Non. Non, c'est le premier Saint-Antonio. Ah. C'est le premier Saint-Antonio. Ah, oh oui. Oui, je suis en train de les lire tous depuis le début. Alors, une question pour Bob et Maurice. Quel est le plus petit mammifère? Oh. Les seins de la femme de Bob. Quand il est adulte ou quand il est bébé? Oh bah, quand il est adulte. Quand il est adulte. Ouais. Et là, tu le sais. Bob, normalement, est très fort en animaux. Ça te concerne. C'est la... Pourquoi ça me concerne? Le Yorkshire. C'est la... Yorkshire. La campagnole. La campagnole. Dans son... Il y a la campagnole. Ce qui mange du grain, là. Ce qui mange les grains de blé. Bah, c'est ta femme, parce qu'on dit toujours qu'elle est bête à manger du grain. On va être contente cette semaine. Elle va bien aimer l'émission. Elle a les oreilles qui sifflent. Ah bah, elle a une otite. Non, il y a plus petit que campagnole. J'en dis campagnole, mais je crois que c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Moi, j'en ai... Alors, je vais te dire, Philippe. Oui. Je n'en ai aucune idée. Odile non plus, t'es pas branché mammifère? Marin, si. La baleine. C'est pas le plus petit, celui-là. Non. J'ai rien dit. Non, mais ça doit être quelque chose comme les musaraignes ou des choses comme ça. Non, il y a plus petit que les musaraignes. C'est encore plus petit. Alors, tu donnes ta réponse, c'est... Je dis cash, alors la musaraigne. Et c'est correct. Vous voyez la blonde. Vous voyez la blonde. Voilà. Eh oui, Bob, c'est bien ça. On vérifiera sur Wikipédia. Et elle a dit cash. Oui, j'ai marqué 2 points. Bob est furieux. Qui a remporté la médaille d'or du 100 mètres aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936? Et on en a parlé il n'y a pas longtemps, en plus. Carlos. Non. Un Américain? Non, on en a parlé il n'y a pas longtemps, parce que dans une des émissions qu'on a eu il y a quelques... Pas la semaine dernière, ou il y a 15 jours, tu te souviens? De toute façon, je ne sais pas. Maurice, au hasard. Un nom au hasard. C'est peut-être un Allemand, remarque. Hein. Est-ce que tu peux répéter la question? Qui a remporté la médaille d'or du 100 mètres aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936? Maurice, au hasard. Oh, je vois pas qui c'est, moi j'étais pas là. Van Vogt-Schlotten? Non. Alors, je propose un nom Adolf à ma camarade. Hitler. Ah, ben là, vous vous consultez, là. Oh. Bah, de toute façon, quand c'est leur question, on n'a pas de cash. Oui. Oui. Ah, oui, alors, les 2 points tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, oui, pas 2 points. Il n'y a pas de cash tout à l'heure. Oui. Pas 2 points seul. Il a fallu leur dire pour qu'ils réagissent. Ah, oui, c'est vrai. Non, ils sont honnêtes, hein, quand même. Hein. Bon, je retire un point. Attends, du tout. Je ne retire pas tout de suite parce qu'ils ont peut-être Jesse Owens. Oui, donc c'est correct. Donc, je retire rien. C'est la bonne réponse. Jesse Owens. On appelait Jesse Owens en France. Ah, d'accord. Le fameux athlète noir qui a gagné devant Hitler, qui faisait une gueule, tu te souviens pas des images? Ah si, ça. Il tirait une tronche de 6 pieds de long parce que c'est un noir qui avait gagné le 100 mètres devant les bons Ariens blonds. Ah bah alors, juste après la pause, il y a Sylvie, une des copines de Copines et Dépendances, qui arrive et qui nous rejoint. De Copines et? Et Descendances. Ah, oui. Descendance. Retourne, on va se marrer avec Odile. Alors, avant de faire rentrer ton ami Odile, j'aurais simplement pour nos auditeurs dire que nous avons eu un appel à la station du docteur Roger Fons, qui est le directeur de recherche du CNRS, et c'est vrai, et qui voulait nous dire que Bob est un gros con, car le plus petit mammifère du monde est bien la musaraigne, également appelée Pachure étrusque, Bob. Pachure, là, c'est pas sûr du tout. Mais tu sais qu'en fait, il a été nommé comme ça parce que en fait, sa mère a accouché dans la voiture. Et il avait le même prénom que son père, donc sa mère disait « Roger, fonce !» Oh, oh là là. Elle est bonne. Oui, elle est bonne. Mais tu devrais les garder, celle-là. Ouais. Alors, dans le spectacle de... Les garder pour moi, tu veux dire. dans le spectacle de Dill, donc, il y a Sylvie, ici présente. Oui. Bonsoir, Sylvie. Ah, mais là, bonsoir. Il marque la télé. Hein. Oui, il y a les accessoires. Donc, Sylvie, vous avez des lunettes imposantes. Hein. Mmh. Oui, oui. Mmh. Ben, je peux vous le dire, hein, ça y est, c'est officiel. Ah, oui, oui, je suis enfin prête à faire entrer un homme dans ma vie. Ben, oui, parce que ça y est, j'ai décidé de faire plus attention à moi. Mmh. Alors, déjà, je rentre le ventre quand je passe devant une glace. Oui, non, mais là, je peux pas vous montrer, déjà parce qu'on est à la radio, mais chez moi, j'ai mis plein de glace partout. Puis je me suis dit que ça lui servira peut-être aussi à lui, hein. Puis, j'ai préparé aussi notre petit nid douillet. Voilà. Ah oui, sur sa table de nuit, j'ai mis un cadre en forme de cœur avec une photo de moi. Et puis sur la mienne, j'ai mis le même cadre vide pour l'instant et j'ai écrit lui dedans. Et puis dans le premier tiroir de sa table de nuit, j'ai mis le cadeau. C'est lui qui m'offrira après la première fois. Mais je ne veux pas vous dire ce que c'est parce que je veux que ça reste une surprise. Puis, dans notre chambre, j'ai installé un home cinéma avec TPS, la chaîne Tout pour le sexe. Non, parce que moi, j'aimerais bien qu'on puisse regarder des films d'action romantique tous les deux. Vous savez ce que c'est? Moi, j'aime bien ces films parce qu'en général, les acteurs, ils sont passionnés, ça bouge beaucoup, ils sont vachement investis. Non, pas Pretty Woman, parce que là, en général, je trouve, il se passe rien. Hein, ah, et puis aussi pour ces soirées foot entre copains, ben, j'ai pris un frigo américain. Ah. Ouais. Alors là, je peux pas vous montrer comment elle est, mais c'est le Beer Propulsor 3000 Husband Supporting System. Oh là. Ah ouais, non, mais il contient 400 canettes de bière. Hein. Et alors, c'est le dernier de la NASA. Alors, ils l'ont vachement bien fait parce qu'il a un système de propulsion hydropneumatique qui livre les canettes directement sur le canapé. Ouais, mais au début, j'ai eu du mal à le régler. Alors, du coup, j'en ai pris plein la vue. C'est pareil, hein, ça explique un peu les culs de bouteille. Ah mais bah, bon. Avec des canettes, il faut le faire. Hein. Enfin, non mais en plus j'ai aussi acheté enfin, en tous les cas j'ai déjà pris un méga crédit sur 30 ans pour acheter 3 places de parking pour sa voiture. Hein. Ben si, parce que vous comprenez, la place du milieu c'est pour garer la voiture bien droite, bien au milieu, et puis les deux sur le côté comme ça, les deux places à droite, à gauche, et ben elle reste libre comme ça, il n'aura pas de coup de porte sur sa Porsche. Hein. Une Porsche quand même. Ah oui. Ouais. Ben en plus de ça, j'ai trouvé les accessoires de tuning qui vont avec. Hein. J'ai trouvé un boa en laine aux couleurs du PSG pour mettre autour du volant. Ouais, non mais ouais, c'est vachement doux. Ah oui. Ouais. Et puis j'ai aussi acheté un GPS. Oui. Oui, parce que je veux pas qu'on se dispute. Non, non. Bah, déjà, mais déjà parce que je veux pas qu'on se dispute en voiture. Ah. Bah oui. Hein. Bah, je vais pas vous montrer comment ça fait, mais bon, en général, ça se termine par un avocat, pension alimentaire et tout. Alors, bah non. Et puis, alors, par contre, sur le GPS, ben, je lui ai fait enregistrer un message pour lui indiquer le chemin du retour. Alors, je vais vous le faire, hein. Je vais essayer de... Alors, c'est... Après la traversée du Grand Canyon, tu te diriges lentement dans la plaine, tu fais le tour du rond-point. Attention au ralentisseur. Et une fois arrivé à destination, pénètre directement dans le garage. Vous êtes arrivé à destination. Ah bah dis donc. Ah ça promet, hein. Oui, dis donc. Ça promet, hein. Donc alors là on en a eu deux ce soir, mais ça veut dire qu'il y en a six autres alors. Oui, il y en a six autres. Et sur les elles six. Elles peuvent pas toutes venir, hein, à chaque fois. Mais sur les six, t'es la plus normale ou? Ah bah j'espère. Non, je crois pas être normale. Non. Même moi, je suis pas normale. Hein. Mmh. Ah oui. Non, parce que non. Je donne pas une image de moi très normale, hein, surtout à la fin. Un peu mégalo quand même. En tout cas, Bob te remercie parce qu'il va dormir sur la béquille ce soir. Bon, alors en attendant, là il y a la deuxième carte, c'est la vôtre. Ah oui. Et oui, puisque tout à l'heure on a joué avec la carte de l'équipe des Schtroumpfs, et là maintenant on joue avec votre carte. Les blondasses. Les blondasses. Les règles sont les mêmes, Bob. Hein. Oui. Ça ne change pas. Oui, bien sûr. Et voici tout de suite pour vous la première question. Quels sont les deux points qui ont été reliés par le premier câble télégraphique sous-marin? Je vous demande donc les deux villes. New York à Paris? Non, parce qu'il n'y a pas la mer à Paris, donc... Ah si, il y a la mer à la non, mer y de y a Paris. La Seine. Je dirais New York. Et pourquoi pas Brest ou un truc comme ça? Enfin, je sais pas. Oui. Pourquoi t'as pas l'air convaincu? J'en sais rien, je n'en ai aucune idée. Donc. New York et Brest? Non. Alors, y a pas... Est-ce qu'il y a New York? Non. Non. Not Atoll? Note. Alors, Bob? Bah, je réfléchis. Je crois que c'est Neuilly avec la Garenne Colombe, en passant par Vladivostok. Non, alors, honnêtement, si vous ne savez pas, vous pouvez pas trouver. Marseille, c'est la Bastia. C'est oui. Ouais, c'est ça, donc c'est Douvres. Oui. Douvres, et puis en face, c'est Dunkerque. Calais, moi, je dirais. Ou Calais, oui, plutôt Calais, oui. Douvres-Calais. Non. Fox. C'est Douvres et le Cap Griné. Ah oui, le Cap Griné. C'est où ça, le Cap Griné? Bah, c'est pareil. C'est à côté de Woostock. C'est à côté du Cap Blanc-Mort. C'est à côté de Woostock. Quoi? Tu sais, il y a un week-end à Woostock. Ah, Zuidcote. Voilà. Avec ah, l'accent, oui, c'est meilleur. D'accord. Je veux dire, Woostock, qu'est-ce qu'ils vont les être tirés à la Et ça, c'est en Belgique? Oui. Non, c'est, oh, c'est, non, non, c'est en France. Donc, question suivante. Quelle a été, là c'est une question à laquelle Frédéric Coster répond bien évidemment, question de cinéma. Quel a été le dernier film réalisé par Georges Cukor? Achevé ou pas achevé? On me le précise pas, on me dit que c'est le dernier film. Alors ça doit être Something's Got to Give avec Marilyn Monroe. Pardon. Tu fais cash hein, si tu sais bien. Pour c'est Riche et Célèbre. Non, non, c'est Riche et Célèbre. Riche et Célèbre. C'est correct. T'as pas fait cash? Ben non, il a pas fait cash. Non. Pourquoi tu fais pas cash? Mais parce que, mais parce que j'étais sur Something's Got to Give, mais c'était le dernier film de Marilyn Monroe qui n'a pas été. Confiance. Oui, mais c'est plus que c'était. Alors, en quelle année a eu lieu la bataille de Waterloo? Oh non, deux. C'est à qui de répondre? Ben c'est à nous. C'est à vous, les filles. Moi, je crois que c'était en 1987. Non, c'est pas cette année-là qu'ils ont gagné le... La dernière bataille de Waterloo, c'était 1981 pour Giscard. Non, il y avait aussi le groupe ABBA, non? Waterloo. C'était 75. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. 75. Waterloo, c'était dans les années 1800, ça, on est sûr. Oui. 1815, c'est Marignan. Oui, mais ça doit être 1814 ou 1815, quelque chose comme ça. Ah, 15, je le sens bien. 1815. C'est correct. Bob ronge son frein. De toute manière, on a gagné, là. Maintenant, ils peuvent plus monter. Attends, hein. Attends. Il y a la photo mystère. Si, même, qui a écrit il y a une épreuve, Waterloo, oui. Waterloo, morne pleine. Oh, qu'est-ce que c'est dur. Bah, c'est Victor Hugo. Bah oui. Victor Hugo, cash. Il faut dire cash. Cash, hein. Victor Hugo.

Oui, je vais avoir du temps en 2012. Alors, c'est vrai que j'aurai les biberons et les couches, mais ça occupe pas un temps complet. Hein. Et alors, quel spécialiste lui avez-vous recommandé? Oh, vous savez, quelqu'un de très bien, très efficace. Il va nous régler tout ça vite fait, bien fait. Vous le connaissez, il a une bonne réputation. Il exerce sa peau. C'est le docteur Bonne Maison. Alors, et moi je suis pas interviewé cette semaine pour parler de mon restaurant gastronomique Le Chien qui Fume. Merde alors. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu Séraphine Mogamoudou. Moudou. Ah mais tiens, tu l'as bien dit cette semaine. Enfoiré. Bon, alors, après ces émotions, je vous propose le jeu de la photo mystère. Ah oh non, oh non, non, pas la photo mystère. Je confie chaque alors, semaine. Alors, cette semaine, ça va être quoi? Une peau de couille, une statue antique. Alors, on confie à Maurice chaque semaine une photo mystère. Donc, il a absolument pas le droit, bien sûr, de prononcer le nom de la photo mystère, ni un mot qui s'y rapproche. Et il a également un mot interdit qu'il n'a pas le droit de prononcer. Oh bah tu penses qu'il sait pas ce que c'est. Donc, voici, il donne des informations à coup de 10 secondes. Il commence. Mais qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Voilà. Il commence par son équipe, par Bob, parce que c'est à Bob qu'il faut donner les informations. Et c'est lui qui déclenche le chrono en disant stop chrono. Alors, cette semaine, c'est un jeu à 8 points. Stop, il y en a 3. On peut le trouver n'importe où. Ça vient. Change pas de main, je sens que ça vient. Alors, Bob, une idée, je pense. Il y en a 3. C'est les singes, les petits singes? Non. Alors, maintenant, c'est 10 secondes pour vous. Tu sais, je toujours pour trouver la même photo mystère. Donc, pour les clips des blondasses, quand tu veux, Maurice. Alors, stop. Ce n'est pas agréable à voir. Oh. C'était couille? Non, pas du tout. On peut le trouver n'importe où. C'est visqueux. C'est visqueux, voilà. Ah, voilà une information, voilà. Alors, qu'est-ce qui peut aller par 3 et qui est visqueux? Voilà. Parce que c'est tout ce qu'on sait. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Enfin, là, c'est-à-dire que sur sa photo, il en a 3. Mais je crois pas qu'il ait dit que ça va par 3. Hein. Non. Il dit il y en a 3. Là, sur sa photo. Il dit il y en a 3, c'est une affirmation. Quand oui. Mais bon, ça peut être une répétition aussi. Alors, allons-y. Qu'est-ce que vous pensez à quoi, Odile? Un truc visqueux? Des prothèses, ma mère. Ah! Ah ouais? Par 3? Non. Ah bah, par 3. Non, elle a dit il y en a 3, pas par 3. C'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil, mais ce n'est pas ça. Mais c'est par 3 ou il y en a 3? Non, on peut en avoir 1, 2, 3, 4, 5. 1 déjà, donc c'est masculin. Ah oui, une information supplémentaire. Non, oui. Alors maintenant pour ton équipe, et c'est Bob qui écoute très attentivement ce que tu vas dire. Alors, stop. Ça peut être raclé. Il faut chercher suite à un rhume. Ça peut être raclé. Ça peut être raclé. C'est toi qui vas en prendre une de raclé si tu continues. Ça peut être raclé. Oui. Suite à un rhume. Alors là. 10 secondes pour dire ça. Oui. Mais il pour dire un truc qui ne veut rien dire en plus. Hein. Ah si. Et comment dire? Et il a dit tout à l'heure que c'était visqueux en plus. Hein. Un molard? Alors. Ah mais attendez, ne le soufflez pas. Ça va par 1, 2, 3. La morve. Oh. Alors, Bob, là, cool. Alors, un cataplasme. Il y a 8 points. Mais non. Quoi? Quoi, mais non, non, non. On comprend rien à ce que tu dis. Oui, mais non. Moi, j'ai dit un cataplasme. Ça sera pas un cataplasme. Ça ne racle pas. Ça ne racle pas. Bah, tu te racles, toi, pour un cataplasme. Ah, se racler. Oui, ben, c'est ce que c'est j'ai ce dit. Qu'il a dit. Non, tu as dit ça se racle. Ça se racle avec un couteau qu'on racle, tu sais. La raclette, oui, ça se racle. Ah, bah oui. Si tu veux en prendre une, je t'en mets une raclée. Malin. Alors, la réponse. Philippe, s'il te plaît, c'est la dernière fois qu'on joue à ce jeu. Parce que la sinon, il y a les trucs dégueulasses, les glaires. Alors, donne ta réponse à Maurice. Bah, le glaire. Eh ben, c'est ça. Là, ça mérite des applaudissements quand même. C'est dégueulasse quand même. Alors, 8 points. Mais faut arrêter ce jeu. Alors, et le mot interdit? Le mot interdit, c'est cracher. Ouais, bravo, et on a. Oh là là là là là là. Non, non, c'est pas cracher. Ah non, non. Clavioté. Ah, mais c'est le verbe. Hein. Cracha. Je suis obligé de. Je peux pas accorder le point ni à l'un ni à l'autre. Parce que. Une photo d'un. D'Angler, oui. Oui. Donc, les 8 points vont à l'équipe des Schtroumpfs. Voilà. Et maintenant, on est ex-aequo. Non, tu c'est vas comprendre ça. Pour la suite. Odile, comme tu as été sage, je pense que Frédéric va accepter de nous le sortir. Ouais. En fin d'émission. Ouais. Ne t'inquiète pas, il s'agit d'un petit quiz. Ouais. Restez avec nous, reviens avec Odile. Retour, on va se marrer avec Odile. Yes. Bah, si Odile revient, je reviens. Ah! Ah, sympa. Voilà. Bon. Eh ben, Bob, si tu reviens, pas moi. Bon, bah, si, quand même, parce que t'as ton petit quiz qui ah, nous attend. Ah, bah, il y a mon petit quiz, bien sûr. Maurice. Allez, on la décompose. Maurice. Ah, non, bah, déjà. Bah, tout de suite. Le premier, c'est le digue. Ah, non, après. C'est Maurice. Quand je te dis Maurice, tu me réponds? Oui. Oui. Oui. Oh, qu'il est lourd. Oui, madame. Non, mademoiselle. Mais ça, c'est la première fois. Comment s'appelle le spectacle de Odile? C'est Copines et Descendance. Donc, le quiz de ce soir, ça va être sur... Copines et Descendance. Non, sur les copains et les copines. Il est con, quoi, mais c'est pas possible. Mais non. Mais je sais pas, il a été fini au glaire. En fait. Oh, c'est toi qui as commencé, oh, alors non. C'est sympa. Hein. Oh non. Donc, un quiz sur les copains, 8 extraits de chansons où on entend le mot copain ou copine ou ami. Et je vous préviens, il y en a un, ils sont deux. Ah, ah. Bob, en premier, qu'est-ce qu'on entend? Bah, tous les copains. En premier, on entend. Ah, ah oui, c'est le jingle. Jungle. Allez, c'est parti. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Et nous toujours des amis. Et nous voici, nous voici dans. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, non, non, pas d'autre homme comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, non, non, pas d'autre homme. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien. Malgré ses blessures. Salut, t'as, ça va? Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Je n'ai rien à moi, tu n'as rien à toi, nous mettons tout en commun. Tous deux nous le savons bien, rien ne vaut un bon copain. Si t'as des ennuis, moi j'ai des ennuis, si t'en as pas, j'en ai pas. Lorsque j'ai de la joie, tu sais comme moi qu'il y en a aussi pour toi. So we can play the game. Être ami ennemi, fais l'un de la mélodie. Être ami ennemi, c'est un mélange de beauté. Cause it's by the song, chacun fait le son. There is no one to blame. So we can play the game. Oh, il naviguait en perpénard sur la grand mare des canards. Et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuatecmergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaît. Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes, mais voir un ami pleurer. Alors là, oui. Bob fait le fier, il dit qu'il a trouvé non, les huit. Est-ce que ah tu as trouvé le duo? J'ai pas trouvé les huit, j'ai écrit huit noms. Ah Odile, j'ai combien le duo, oui. Sept. Tu sais ce qui est en train de faire Maurice depuis quelques années? Non. Il se décompose, donc on va faire pareil avec le... Non. Donc le premier, c'est le jingle, on sait. Ah oui. Alors en un, Odile... C'est Ushela ou un truc comme ça, enfin voilà. Alors c'est Ushela. Ushela. Ouais, ouais. Stéphane et Cher. Non, non, non. J'ai marqué Bachoud, moi, tu vois. Françoise Hardy. Oui, oui. Tu l'avais, ça, Maurice. Il chante pas, il parle. Renard. Plus connu sous le nom de Renault. Bien. Alors, c'est après qu'on rigole. Maurice avait marqué Citroën. Philippe, en plus, il y en a un sur le duo. Celui-là, tu l'as connu personnellement. tous deux nous le savons bien. Rien ne vaut un bon copain. Si t'as des ennuis, moi j'ai des ennuis. Ça c'est Bourville. Ça c'est Bourville. Et l'autre, c'était Georges Guettari. Bravo Philippe. Georges Guettari. Bon, moi j'avais marqué Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. J'ai fait la réalisation d'un spectacle, une tournée de Georges Guettari. Alors ça, Maurice, tu sais. Moi j'ai mis les L5. Non, c'est pas les L5. C'est Françoise Orléac et sa frangine. Non, mais c'est en anglais. Ça, tu sais, Philippe. J'arrive plus à me rappeler comment c'est. Non. C'est une poufie. C'est une, oui, Nadia. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Alors, Bob, ensuite. Bon, on dirait Georges. Hein. Ah oui. C'est ce que j'ai marqué, moi. J'ai marqué Brassens. Attendez, lui, c'est pas lui. C'était pas de la littérature. Maxime Le Forestier, bien sûr, qui a repris, qui était très ami avec Brassens. Bon, Jacques ça, Brel. Ça, tout le monde a connu. Oh, moi, Brel. Je dis bravo, Maurice. Ah oui, parce que là. Non, Brel, c'est bon. Moi, je pense quand même qu'on peut applaudir chaleureusement Odile. Ah, oui. Parce qu'elle a quand même bien assuré. Bravo, merci. Odile. Comment pardon. Oui, non. Oui. Et mes acclamations. Ah, et oui, et les acclamations de Don Saluste, alias Frédéric Coster. Ah, monsieur est beau. Viva mais ça Don Saluste. Monsieur est riche. Viva Don Saluste. Il nous reste juste monsieur est maigre. Le temps de faire une tournée de blagues. Monsieur est con. Bah, tu me dis de faire des... Alors, c'est... Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Maurice. Il n'y a pas de sifflet ? Ah si, pardon. Oh. Ah, c'est lui manque. Oh, il est faux son truc. Marie-Chantal confie à sa copine Éléonore. Mon mari Charles Évrard, quand il a... Quand il a fini son petit câlin, pousse un cri de Tarzan. Quelle santé, ma chère. Peut-être, peut-être, mais moi, cela me réveille. Attendez. Ah oui, non, mais là, c'est les flics, là. Alors, un patron à sa secrétaire. Mademoiselle, vous avez fait 20 fautes dans cette lettre. Vous l'avez pas relue ? J'ai pas osé, monsieur. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait écrit confidentiel en haut à gauche. Alors, ça se passe dans une exploitation forestière au Québec. Ah. Et alors, un jour, le patron, il passe une annonce pour recruter un bûcheron. Quelques jours plus tard, il y en a un qui a un tout gringalet, tout maigrichon, on dirait des vieux réalisateurs qui arrivent. Et il dit, bonjour, je viens pour l'annonce pour le bûcheron. Ben, dis donc, t'es pas du tout ce que je cherche. Hein. Il me faut un gars taillé dans l'acier, capable de bosser 10 heures par jour, sans sourciller ni se plaindre. Ben, laissez-moi donc vous montrer de quoi je suis capable. Ah bon, ben tiens, voilà la hache. Tu vois l'érable là-bas, gigantesque, ben va donc l'abattre. Alors le petit gars, il va au pied de l'arbre, là, au bout de 2 minutes 30, pff, l'érable est par terre. Alors le patron, il en revient pas, il dit, ben, où c'est que t'as appris à couper un arbre aussi vite? Ben, au Sahara. Tu veux dire dans le désert du Sahara? Ouais, c'est comme ça qu'ils l'appellent maintenant. Allez, Odile. Un type qui visiblement tient une sérieuse cuite demande à un passant. Pardon, monsieur. Vous pourriez me dire où je suis? Vous êtes rue du Faubourg Saint-Honoré, près de la rue de la Paix. Je m'en fous de la rue. C'est la ville que je vous demande. Bon, alors je suis obligé et contraint de faire un point sur les scores. Ouais. Alors les blondasses, donc vous avez bien marqué 10 points dans la soirée, ce qui est parfait. Ouais. Et les schtroumpfs font bien remonter avec la photo mystère. Ouais, ils ont bien schtroumpfé. Vous avez bien schtroumpfé. Et là, je dois annoncer que vous avez également 10 points. C'est pas possible. Excellent. Donc, dans ces cas-là, nous sommes obligés de passer par l'épreuve de la mort subite. C'est une obligation légale. Oui. Le jeu de la mort subite, en fait, c'est l'invité qui choisit au hasard Bob ou Maurice pour une partie de ni oui ni non. Et donc, Maurice ne doit dire ni oui ni non. Il choisit Bob ou Maurice, mais donc Maurice doit dire ni oui ni non. Voilà. Pendant une minute. En gros, c'est ça. Alors, Odile. On voit que c'est pas truqué. Pas du tout. Alors, Odile, tu choisis qui? Oh, bah, il se cache derrière ses mains. Allez. Il paraît que c'est très drôle. Allez, Maurice. Allez, Maurice. Alors, Maurice, regarde bien dans les yeux, Odile. Regarde-moi bien. Voilà. Et Odile. Donc Maurice, pas de oui, vous êtes avec moi. Pas de non pendant une minute. Bien sûr, il ne faut pas faire de l'anti-jeu, sinon c'est perdu. Eh ben oui, hein. Voilà. Top chrono. En plus, attends, en plus Maurice t'adore le ni oui ni non. Peut-être. Non mais sois cool, bah, de toute manière, je te veux aucun mal. Hein. Ça va bien se passer. Sûrement. Bah voilà, et non mais confiance. Comme... et confiance et confiance. Oui, non mais dépêche-toi. Là cette fois-ci, il me regarde quand même vachement droit dans les yeux, c'est bizarre. Tu vois que tu arrives Maurice à la regarder tu dans vois les yeux. Non mais attends. Je louche pas. Mais, tu louches si, pas. Si, quand même un petit peu quand même là, si si. Pas du tout. Et puis là t'as un petit peu ta moustache, ça déconne un petit peu là. Non, ça se décolle, c'est une fausse. Non mais voilà. Mais vous n'arriverez pas à le déconcentrer parce que maintenant qu'il a gagné tout à l'heure avec Maxime Le Forestier. Ah oui. Non, il a pas gagné du tout. Qui chantait la chanson de Jacques Brel. Ah bon ? D'accord. Oh c'est... bah non. Bah, c'est... Pas du tout. Ah oui. On l'a entendu, t'as dit non. Oui. Donc l'équipe des Blondasses gagne la manche. Ouais, la manche, la partie. Ah oui, pas la manche, on gagne la partie. Eh oui. Alors, avant de refermer cette émission, il faudrait quand même, Maurice, ah oui, que tu fasses ton boulot. Oui, s'il te plaît, on va. Parce qu'elle nous a quand même. Elle nous a bien fait marrer. Hein. Ah, elle nous a très bien fait marrer pour aller voir. Marrer, Maurice. Ah, marrer. Ben, il est un glaire. C'est dégueulasse, cette émission. Oh, c'est je ne sais pas si je vais revenir la semaine prochaine. Oui, ben, si tu ne reviens pas, t'emmènes le glaire que tu as laissé sur le micro. Oh. Eh ben, si vous voulez voir le spectacle d'Odile dans Copines et Descendance, faut venir au théâtre Le Bout, 6 rue Frochot, dans le 9e arrondissement à Paris. www.lebout.fr voilà. Ou alors encore billetsreduc.com et là on est sûr. Et le fou du rire, c'est quoi, c'est ton producteur? Le fou du rire, c'est mon producteur. Et alors pour les amis qui veulent te retrouver sur Facebook, c'est sur Odile Andro Pierrard. Voilà, sur la page d'Odile Andro Pierrard. Odile Andro Pierrard. Alors bien sûr, on va te demander comme ami nous et sur la page d'On va se marrer. Et comme bien ça, entendu. Tous les gens qui n'auront pas eu le temps de noter ce soir, ils pourront te retrouver et te demander comme ami aussi. On te remercie de ton passage chez nous. Et voilà. Puis, on espère que tu t'es bien amusé avec nous. Oui. Que tu n'as pas été traumatisé par Maurice. Pas du tout. Il a été bien avec toi. Oui, tout le monde a été très sympa. Il n'y a pas de souci. Eh ben, écoute, on a une très bonne nouvelle à t'annoncer, car dans l'émission, c'est fini. C'est une émission où tout le monde a gagné. Et le principe, c'est comme dans l'école des fans, on repart toujours avec un cadeau. Donc, tu as Maurice pour tout le mois de novembre chez toi et Bob pour tout le mois de décembre. Et on te souhaite de joyeuses fêtes. J'arriverai toujours à en faire quelque chose. Je pense. Il n'y a pas de problème. Voilà. Surtout, tu nous envoies pas les photos. Eh ben, on applaudit Odile et on la remercie. Merci. L'émission sur internet, sur iTunes, chaque semaine le podcast le mercredi, sur les anciennes émissions que vous voulez retrouver, c'est onvasemarrer.com et la page Facebook On va se marrer pour avoir les photos de l'émission et les liens vers tous nos invités. Merci de votre patience, à la prochaine. Ouais. C'était une production Radio Plus.